Comment ça, ça porte malheur? Moi, je dirais plutôt que ça porte bonheur, mais j'en suis plus très sûr. Enfin bref, je ne suis pas superstitieux, donc tout va bien. Bonjour tout le monde, nous sommes bien le vendredi 13, nous sommes le vendredi 13 mars, et vous êtes vivants, et vous êtes avec nous, c'est très bien. Un autre jour est possible, votre réveil culturel, en attendant les premières informations du jour, avec dans un instant Marie-Hélène Fraissé. Pour notre série Indiens d'Amérique du Nord, les premiers contacts, choc des mondes, dans un instant, les premiers contacts avec les Indiens de l'Alaska. Et puis, en deuxième partie, comme tous les vendredis, c'est l'actualité des romans graphiques ou de la bande dessinée, c'est comme vous voulez. Aujourd'hui, nous recevons un auteur mythique dans l'underground de la bande dessinée française, Matt Conture. Mais pour commencer, Tête chercheuse. Indien d'Amérique du Nord, premier contact, choc des mondes, et aujourd'hui, ce chapitre. Si peu connu, l'Alaska. Comment de la Californie on va passer à l'Alaska? Et qui on va découvrir là? Alors on passe par la mer parce que la traversée, vous imaginez, depuis la côte Est, donc on remonte le long des côtes du Pacifique. Donc logiquement, il y a des Espagnols, puisqu'ils sont installés en Californie, qui vont commencer à faire des tentatives pour remonter le plus loin possible au nord, pour contacter le maximum de population. On croit qu'il y a un passage, on ne sait pas trop, au nord de ce continent. C'est toujours ce fameux passage du Nord-Ouest qu'on cherche. Et ce qui va être intéressant en Alaska, c'est que l'Amérique, cette partie-là de l'Amérique, est convoitée non seulement par Anglais, Espagnols, Français, dont on a parlé dans les émissions précédentes, mais aussi par ceux qui viennent de l'Est, cette fois, les Russes. Car les Russes, qui se sont étendus à travers tout le continent eurasiatique depuis l'ouest vers l'est. Donc, eux, c'est leur conquête de l'est. C'est vraiment en miroir par rapport à ce qu'on appelle la conquête de l'ouest. Et ils arrivent au bout du continent. Et ils arrivent au détroit de Bering. Et c'est Bering qui, en 1741, donc, va franchir ce détroit. Là encore, on a une petite disparité entre l'histoire officielle et la vraie histoire parce qu'il a été précédé par des Russes, on le sait, on en a maintenant la preuve, quelques navires russes donc, qui se sont aventurés à travers ce détroit, qui est d'ailleurs très petit, puisqu'il fait, il doit faire une soixantaine de kilomètres. On voit d'une côte, on voit l'autre, de l'Amérique, on voit l'Asie. Et c'est le début de ce qu'on va appeler l'Amérique russe, puisque Vitus Bering va être suivi d'autres explorateurs. Lui, il est l'envoyé de la Russie. Et il va être suivi d'autres explorateurs russes qui, eux, d'ailleurs, seront pas toujours officiels, mais qui vont développer un commerce extrêmement profitable, notamment dans les îles Aléoutiennes, qui est le commerce de la loutre marine. Ce merveilleux animal qui est aujourd'hui protégé parce qu'il a été extrêmement chassé. Ça, on en voit au large de la Californie et on en voit en Alaska. C'est un animal qui doit faire... moi, j'en ai vu, les loutres sont allongées dans l'eau sur le dos. C'est très étonnant parce qu'elles ont leurs petites pattes et on est en train de manger des coquillages et elles ont un aspect très, très humain. Et elles ont, ces malheureuses loutres, une fourrure absolument magnifique qui est douce, qui est brillante et qui est très prisée des Chinois. Alors, les Russes inaugurent un commerce entre l'Alaska, où ils vont très vite établir des comptoirs, et la Chine, puisque, évidemment, c'est pas loin, on est dans le Pacifique. Et il va se passer là, alors, quelque chose de très, très dur. C'est vraiment la mise en quasi-esclavage de, notamment, la population des îles Aléoutiennes, qui est requise pour aller chasser la loutre marine, préparer les peaux, ces peaux qui vont être envoyées en Chine. Tout ça, ça se passe avec pas mal de violence. Et loin des autorités, vous imaginez, depuis Moscou, il y a des milliers et des milliers de kilomètres, comment contrôler Ce qui explique aussi que les Indiens d'Alaska sont convertis à la religion orthodoxe. Et aujourd'hui encore, quand on va en Alaska, ce que j'ai eu le bonheur de faire il y a quelques années, on trouve dans les églises orthodoxes à l'office du dimanche, surtout une population indienne ou métisse qui est restée fidèle à cette religion orthodoxe. Car en Alaska, comme dans le monde espagnol et dans le monde français, donc le monde colonial, les mondes coloniaux, souvent les missionnaires ont quand même été ceux qui ont modéré les violences. Je ne dis pas qu'ils ont été parfaits, ils ont converti de force, mais très souvent, et ça a été le cas en Russie, ce sont les popes qui ont interpellé de très très loin, parce que vous imaginez les mois qu'il fallait pour rallier Moscou, mais les interpeller en disant ce qui se passe ici est indigne. Alors, quels sont les premiers témoignages russes qu'on peut consulter aujourd'hui de cette rencontre, de ces premières rencontres avec les Américains d'origine en Alaska? Alors, il y a le journal de Bering, une expédition qui va se terminer tragiquement en 1741, et qui, puisque Bering va mourir dans les îles de l'entre-deux. Et ce qui va se passer, c'est que des comptoirs vont s'établir qui sont l'objet de chroniques, notamment dans l'île de Kodiak, qui fait partie, c'est la dernière île de l'archipel des Aléoutiennes, va s'installer le premier poste permanent. Et en 1790, Catherine II, qui veut en avoir le cœur net sur ce qui se passe véritablement dans ses possessions extrêmement lointaines, envoie un certain Billings. Et ce Billings, c'est un marin danois, hein, lui. C'est un Scandinave, parce que comme Bering d'ailleurs, Catherine II, comme ses prédécesseurs, confiait souvent les navires à des capitaines suédois. Et Billings, en 1790, va voir ce qui se passe là-bas. Et il fait une chronique très intéressante parce qu'il montre comment vivaient au quotidien ces Indiens, d'ailleurs pour lesquels il éprouve lui aussi une certaine admiration, puisque ces rivages sont considérés comme très difficiles. Ils sont froids, ils sont battus par les vents, la mer y est très rude. Et il y a constamment cette idée que les Amérindiens ont une immense maîtrise de ces endroits si difficiles. C'est ce qu'on trouvera aussi dans les chroniques concernant les Inuits, qui sont encore plus au nord, et qui arrivent à maîtriser la neige, les grands froids, qui vivent de mammifères marins. Alors, par exemple, on a cette chronique de Billings, qui dit, le 1er juin, donc on est en 1790... le 1er juin à 4h30 minutes du matin, alors ça c'est le marin qui note, vous savez, latitude, oui, longitude, l'heure exacte. Le 1er juin à 4h30 minutes du matin, nous découvrîmes au nord-est l'île d'Unalashka, donc Unalaska, aujourd'hui c'est la capitale mondiale du poisson, hein. C'est tout au bout des Aléoutiennes. Cette île paroi très haute, hein, c'est traduit, c'est une version traduite en français un peu surannée. Cette île paraît très haute dans toute son étendue. Ses côtes sont garnies de promontoires très avancés. Et dans l'intérieur s'élève une chaîne de montagnes, donc la chaîne des Aléoutiennes. Dans la matinée du 3 juin, beaucoup d'insulaires d'Unalashka vinrent dans leurs canots autour du vaisseau. Nous masquâmes le grand hunier et nous les prîmes à bord. À 4 heures après-midi, un chasseur russe vint à bord dans un baïdar conduit par 8 pagayeurs aléoutes. Il venait de parcourir la côte pour ramasser du bois de chauffage et il était accompagné par un grand nombre d'aléoutes dont quelques-uns nous apportèrent une grande quantité de plis. En réalité, il s'agit de flétans. Alors l'émerveillement de Billings, ça va être aussi l'abondance de poissons qui est encore malgré la surpêche, il y a encore énormément de pêche là-bas. Le saumon, bien entendu, le saumon qui est hyper abondant. Quand on va en Alaska, même encore aujourd'hui, heureusement il est protégé aujourd'hui, le saumon, vous êtes entouré de saumon par milliers, par dizaines de milliers, quand c'est l'époque de la remontée du saumon. Et ce qui est intéressant, c'est que il note la joie de vivre de ces gens qui vivent pourtant dans des conditions que lui juge excessives. Ils font de la musique, ils ont un esprit festif et ils parlent des masques. Alors ça nous rappelle une histoire qui nous est familière, puisqu'on a eu un Français, Pinard, qui est allé dans ces régions-là et qui a sauvé des masques, car les masques étaient détruits après les réunions chamaniques et les danses. Et il parle, alors Billings, dès 1790, de ces masques artistement sculptés et bizarrement ornés. J'imagine que ces mascarades, dit-il, tiennent à la religion et ont pour cause quelques rites que je ne puis jamais déterminer les Unalashkans à m'expliquer. Évidemment, ils ne vont pas décrire leur pratique rituelle à un étranger. Il est vrai que, s'ils ne voulurent pas me donner des détails sur leur religion, ce fut, je crois, par rapport à notre ignorant et plus que barbare aumônier, donc l'aumônier de l'expédition. Ce prêtre, apprenant que quelques-uns de nos officiers étaient entrés, en se promenant dans une caverne où ils avaient vu plusieurs masques des Unalashkans, se rendit dans cette caverne et brûla tous les masques qu'il y trouva. Alors bon, les masques sont brûlés à la fin des cérémonies et les missionnaires brûlent tous les masques. Et bien, par miracle, on a quand même conservé quelques-uns de ces magnifiques masques qui ont été exposés il y a quelques années d'ailleurs à Paris. Et il se plaint beaucoup de ce missionnaire. Il dit de lui, non content de cela, il menaça les insulaires des plus grands châtiments s'ils continuaient à adorer les idoles. Et il en contraignit plusieurs à se laisser baptiser par lui, sans pouvoir leur apprendre autre chose, sinon qu'ils devaient désormais adorer la Trinité, invoquer Saint Nicolas, ainsi qu'une croix qu'ils pendaient à leur cou, et que, par ce moyen, ils obtiendraient tout ce qu'ils désiraient, ajoutant toujours qu'il fallait renoncer au diable et à ses œuvres pour s'assurer une félicité éternelle. Et voilà, c'est donc reparti pour la guerre des religions. Et voilà. Mais Marie-Hélène Fraissé, ce qui est étonnant dans cette expédition, parce que pour moi c'est vraiment un chapitre complètement inédit et vraiment passionnant, c'est que après, les voyageurs des Lumières, que, comme vous dites, où là il y aura effectivement... Il y a Cook, La Pérouse qui vont dans ces coins-là. Mais oui. Alors, parce que depuis le début de la série, vous nous donnez tous les textes, les journaux de bord, les rapports, mais là, ils vont avoir avec eux des peintres, c'est-à-dire qu'on va représenter l'autre. Oui, c'est le cas de Cook, ça sera le cas aussi de La Pérouse quelques années après. Ils ont de très bons peintres qui d'ailleurs en général se plaignent que les nécessités de la navigation, des expéditions, ne leur permettent pas de rester suffisamment longtemps à terre. Mais la collecte d'images et d'objets d'ailleurs, qui sera issue de cette troisième expédition de Cook, est absolument extraordinaire. Ce sont des objets magnifiques et ce sont justement, comme les descriptions qu'on peut lire dans ces récits, les objets sont les témoins donc de cultures qui, à l'époque, étaient encore relativement intactes. Même si sur cette côte nord-ouest, les navigateurs quand même venaient depuis assez longtemps. Et Cook, d'ailleurs, l'aura constaté à son grand dépit quand il va arriver plus au sud dans la région de Vancouver, c'est que les Indiens l'accueillent très favorablement pour faire commerce. Et puis, comme ils ont besoin, parce qu'ils ont des bêtes à bord des navires. Vous savez, les expéditions des Lumières, il y avait de quoi fournir de la viande, donc on amenait des bêtes. Et il cherche à se procurer de l'herbe, et il s'aperçoit que les Indiens veulent lui vendre l'herbe. Voilà, ils ont bien appris nos leçons, finalement. Merci Marie-Hélène Fraissé. L'intégralité de la série Indien d'Amérique du Nord, Premier Contact, Choc des Mondes, est désormais disponible à la page de l'émission Un autre jour est possible sur franceculture.fr, iTunes ou les réseaux sociaux habituels. Je rappelle Marie-Hélène Fraissé le titre de votre dernier ouvrage, autour justement de ces premières rencontres, édité par Albin Michel, « L'impensable rencontre, chronique des sauvages », entre guillemets, de l'Amérique du Nord. Ça a été un plaisir de se réveiller cette semaine, tous les matins avec vous. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Merci, Toffé. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem, tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Et comme tous les vendredis, l'invité culturel est un auteur de romans graphiques, un bédéiste, si vous préférez. Matt Conture, bonjour. Bonjour. Vous dites quoi, vous, quand on vous demande ce que vous faites? Vous dites vous êtes auteur de bande dessinée, bédéiste? Oui, je suis auteur de bande dessinée. Et là, dans le cas particulier de l'album qui sort ces jours-ci, je suis plutôt dessinateur, puisque l'auteur, c'est plutôt le scénariste, qui s'appelle Jacques Velay. Jean de l'Ours, le deuxième tome qui sort à partir d'un conte. Mais puisque vous êtes notre invité ce matin, je vais en profiter pour essayer de dresser un peu votre portrait. Ça fait longtemps que je rêvais de vous recevoir, Matt Conture, puisque vous êtes un personnage très emblématique. Vous avez votre club de fans, vous représentez l'underground de la bande dessinée. Même si vous êtes partie de ceux qui ont lancé l'association, vous n'êtes pas sorti de cette culture de fanzine, d'un dessin très particulier. Donc vous avez des admirateurs et pourtant on ne vous voit pas souvent d'ailleurs parler de votre travail. Est-ce que cet exercice... Vous l'appréhendez, c'est quelque chose de difficile ou pas du tout? Oui, bien sûr que je l'appréhende. Puis bon, c'est aussi parce que je ne suis pas à Paris depuis longtemps. Enfin, j'étais à Paris le temps de rencontrer mes collègues auteurs de bande dessinée avec qui nous avons cofondé la maison d'édition, l'association. Mais depuis, je suis un peu loin. Du coup, c'est vrai qu'on m'entend un peu moins souvent que... Et vous êtes éloigné pourquoi? Parce que je n'arrivais pas trop à gagner ma vie avec ce que je faisais, parce que je n'ai pas un style suffisamment vendeur. Et surtout, je n'ai pas trop réussi à m'adapter à la demande, au marché. J'ai un style un peu dur et plutôt, oui, un peu sombre, un peu avec beaucoup un peu trop de traits, quoi, peut-être aussi. Ouais, ce pour qui faire vous permet du dessin de commande, de publicité ou d'illustration jeunesse ou... Puis je suis pas non plus un dessinateur de presse. Je suis pas bon grand chose de plus que du dessin de bande dessinée très libre. Ouais, et parce que ça ne vous a pas intéressé de faire autre chose. Vous tenez un peu à votre style, à ce trait là qui rappelle Robert Crumb, mais il paraît que c'est pas du tout votre source d'influence. C'est ça qui. Ouais, ça, c'est assez drôle. Ouais. Bah, ce qu'il y a eu avec Crumb, c'est que. Moi, j'ai été influencé plutôt par des auteurs qui eux-mêmes ont peut-être connu l'influence de Crumb. Par exemple, Francis Mass, qui a partagé notre stand à Angoulême cette année. Là. Ouais. Ça a été un des auteurs qui m'a le plus influencé. Pour l'atmosphère ou pour le propos? Oui, pour le graphisme et puis pour la liberté de ton, de création. Et c'est vrai que pour le graphisme assuré, comme ça, j'avais déjà un graphisme assuré. J'avais déjà mon style graphique, comme ça. Alors que je connaissais quasiment pas Crumb, puisque, étant abonné à Metal Hurlant et à Fluide Glacial... successivement. J'ai pas pu voir de Crumb dedans. Pendant ce début des années 80, il n'y avait pas de Crumb dans Fluide Glacial ou dans Metal Hurlant. Comment vous avez réagi quand vous avez fini par connaître l'œuvre de Crumb et donc son trait, son univers? Oh là là, mais ça m'a tellement... Ça m'a bouleversé. Et puis j'ai pris conscience alors qu'avait existé toute cette contre-culture... qu'on appelait l'underground et qui était pas du tout underground dans un sens de quelque chose d'obscur, enfin, puisque c'était la grande culture de la jeunesse quand même, à partir de la fin des années 60. En quoi Jean Delours vous ressemble, Matt Conture? Est-ce que vous avez l'habitude... Jean Delours, c'est quoi? C'est une légende, un conte occitan. C'est l'histoire d'une femme qui va avoir un enfant avec un ours. Donc Jean Delours, c'est vraiment ça. Est-ce que vous pouvez vous identifier à ce personnage parce que vous êtes issu d'une famille noble. Je rappelle que vous vous appelez réellement Mathieu de la Fouchardière et que votre arrière-grand-père était le grand écrivain satirique Georges de la Fouchardière. Je dois avouer que je n'ai pas lu ses œuvres, mais comme tout le monde, je pense que j'ai vu La Chienne, qui a été adaptée d'abord par Jean Renoir, puis ensuite par Fritz Lang, et adaptée donc d'une des œuvres de votre arrière-grand-père, qui était à la fois un nanar anticlérical, antimilitariste, ce qui à l'époque ne devait pas être très courant. Ouais. Donc est-ce que en plus de cet héritage, vous avez mixé avec une autre culture, celle du punk, qui vous a marqué? Oui, bien sûr. J'étais principalement dans ce courant-là, en arrivant à Paris, en quittant la Lozère où j'étais au lycée. Je suis arrivé en pleine punkitude, la mienne en tout cas. Bon, à Paris, il y avait le début du grand succès des Berruriers Noirs. Et oui, j'étais complètement dans cette mouvance-là. Et graphiquement, j'étais... Vous pensez que c'est une... Dans le courant. Que vous êtes dans la continuité un peu du travail qu'a fait votre arrière-grand-père, ou vous êtes plutôt en rupture avec votre milieu social, familial, Matt Conture? Oui, non, je suis plutôt en rupture, oui, bien sûr. Oui, non, c'est vrai qu'il peut y avoir peut-être des points communs, puisque moi, j'étais un petit anarch, entre guillemets, c'était d'ordre d'anarchisme adolescent. Mais bon, oui, puis voilà, c'est vrai que j'étais anti-militariste et... Je le suis resté. Bon, il y a forcément quelques points communs, c'est vrai. Mais je suis pas un écrivain, un chroniqueur comme lui. Ouais. Vous avez une enfance plutôt bourgeoise ou normale? J'étais, par exemple... En vacances, j'étais en Bretagne, je trouvais comme occupation principale du papier et des crayons. Quand j'étais invité chez mes grands-parents, pendant les vacances, quand il pleuvait, je dessinais, quoi, voilà. Et puis, c'est vrai que j'étais... dans un milieu familial où il y avait des albums de bandes dessinées qui circulaient. Mais après, non, je sais pas, c'est juste français moyen, je pense. Même si j'avais des ancêtres à particules, on était plutôt français moyen. Et pourquoi ce nom de Matt Conture? Alors Matt avec 3 T à la fin et Conture avec un K. Ouais. Ah ben, alors les 3T, c'est parti du graphisme, de l'écriture de Mathieu. Alors, en lettres d'imprimerie, ça fait comme un T et un H d'imprimerie. Voilà, si on les aligne, ça fait la forme de 3T. Comme ça, je le montre à vous. Ouais, je ne peux pas le montrer à la radio, mais... Et puis, ensuite, il y avait quelque chose de punk dans le fait de détourner les trois croix de Jésus et les deux larrons, là. C'était la période où j'étais abonné à métal hurlant. Il y avait dedans des dessinateurs comme Doury qui venait de publier Théo Tête de Mort, pornographie catholique. Et il y avait aussi... Il y avait toute une esthétique comme ça, post-punk, ouais, le Gun Club, etc. Où il y avait des croix un peu partout, comme ça. Alors, dans votre dessin, il y a quelque chose de très particulier et que vous réussissez parfaitement, Matt Conture. C'est techniquement, pour la vidéo, on appelle ça du morphing, c'est-à-dire vous pouvez passer d'un personnage et le transformer en quelques traits. Même dans Jean de l'Ours, hein, on peut se transformer en animal, en ours, en cheval, en chacal. Vous êtes très fort pour ça. Et vous êtes aussi fort pour autre chose, c'est-à-dire que dans vos premières bandes dessinées, vous représentez souvent, et vous êtes très fort dans l'autoportrait. D'ailleurs, c'est pour cela que, avec vous, on a décidé de changer le principe du dessin à la radio. Et à partir de vous, désormais, je demanderai aux dessinateurs de dresser leur autoportrait. C'est ce que vous faites, dessin qu'on retrouvera à la fin de l'émission sur le site de franceculture.fr, à la page de l'émission Un autre jour est possible. Mm-hmm. Et je vais vous poser la question un peu France Culture. Est-ce que ces personnes qui se transforment, c'est un peu vous, c'est vos personnalités que vous exprimez, votre part animale, votre part punk, votre part familiale avec des racines et puis d'autres sans racines, vos projections dans le monde avec ces mystères, ces zones d'ombre et d'autres zones un peu plus éclairées? Oui, on peut voir tout ça, mais aussi, simplement, du point de vue du dessin, moi, il y a une chose en bande dessinée qui m'a jamais tellement amusé, c'est de devoir représenter exactement le même visage, les mêmes traits d'une case à l'autre, comme on doit faire en bande dessinée classique. Il y a une règle sacro-sainte à laquelle on est censé ne pas toucher du tout, c'est ne pas transformer ces personnages d'une case à l'autre pour ne pas nuire à la lisibilité. Et moi, j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à aller contre cette règle et à transformer mes personnages d'une case à l'autre. Comme les personnages qu'on peut voir dans les rêves peuvent changer d'une scène à l'autre. Quand on se souvient de scènes de rêve, on peut se rendre compte que les visions des personnages sont complètement sujettes à des tas de transformations d'une microseconde à l'autre. Les physiques peuvent changer complètement. Et moi, j'aime beaucoup l'idée qu'en bande dessinée, on peut fonctionner comme ça, sans donner à cœur joie à transformer les personnages. Et puis, c'est vrai que ça peut permettre d'exprimer autant de facettes d'un même personnage, d'une même personnalité. Ça peut montrer que, oui, on est constitué de multitudes d'aspects, quoi. Matt Conture, merci d'être passé ce matin. On retrouve votre autoportrait en passant par franceculture.fr ou les réseaux sociaux ou iTunes à la page de l'émission Un autre jour est possible, émission réalisée par Thomas Duterre avec aujourd'hui à la technique Stéphane Desmonts, préparée avec Henri Leblanc et Sacha Depersin. Merci cher Matt Conture, bon week-end. Merci. À bientôt, nous on se retrouve lundi dans un instant les matins de France Culture.